les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. C'est le titre d'une série de 8 émissions que France Culture avait consacrée à l'œuvre du célèbre psychiatre suisse en 1970. En voici le 4e épisode, autour du rêve, à la croisée des notions d'inconscient personnel et d'inconscient collectif. Que nous disent nos songes sur le cours de notre existence? Quelle est l'importance de l'inconscient dans notre psychisme, selon Jung? Écoutons sans plus attendre les explications de Bernard Latour et de ses intervenants. Carl Gustav Jung, ou la totalité de l'homme futur. Une émission de Bernard Latour. Ce soir, inconscient collectif, inconscient personnel, le rêve. Voici notre 4e émission consacrée à Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur. Cette 4e émission porte les sous-titres de « Le rêve, l'inconscient ». Pourquoi le rêve, l'inconscient aujourd'hui? Mais parce qu'au point où nous étions parvenus à la fin de notre étude précédente, de notre émission précédente, nous avions eu une approche suffisante des principales données de la psychologie jungienne pour pouvoir maintenant mesurer l'évolution de la notion d'inconscient depuis Sigmund Freud jusqu'à Carl Gustav Jung. C'est une banalité que de dire que Sigmund Freud nous a apporté la notion d'inconscient dans notre vie moderne. Ce que l'on ne mesure peut-être pas entièrement, c'est l'importance de cet apport. Un apport sans doute plus considérable que l'explosion atomique ou que l'audiovisuel dans notre vie, par exemple. Donc, depuis Sigmund Freud, la notion d'inconscient, comme toute la notion de la psychologie freudienne, a évolué, nous l'avions vu, au cours de notre première émission. Il y avait eu le courant adlérien et le courant de Carl Gustav Jung. Mais pour bien saisir, dès maintenant, ce qu'est la notion de l'inconscient dans l'œuvre de Jung, il est bon peut-être de rappeler quelques-unes des notions envisagées dans nos précédentes émissions. Donc, tout d'abord, l'ombre. Eh bien, l'ombre, nous avions vu que c'est la partie inférieure de la personnalité. C'est la somme de tous les éléments psychiques, personnels et collectifs qui sont incompatibles avec la forme de vie que nous avons consciemment choisie. Alors, tous ces éléments que nous n'acceptons pas dans notre vie, que nous refoulons, oh, ils ne sont pas bien loin de la couche de la conscience, ils sont là tout près. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils ne sont pas tous négatifs et destructeurs, ces éléments. Il y en a parmi eux qui sont positifs. Et lorsque nous n'intégrons pas notre ombre et que nous ne cherchons pas à retrouver ce que nous avons refusé vraiment de nous-mêmes pour le réintégrer en nous, eh bien, nous nous privons d'une puissance considérable de notre psychisme et nous nous faisons beaucoup de tort. L'homme qui a réintégré son ombre est un homme infiniment plus riche. Et cette réintégration de l'ombre est capitale au moment où l'homme aborde la seconde partie de sa vie. En effet, nous avions vu que l'on pourrait très schématiquement diviser la vie en deux parties. L'une avant la maturité, qui correspondrait en quelque sorte aux nécessités biologiques de la poursuite, de la continuation de l'espèce et de la race. Et puis, après la maturité, nous entrons dans une seconde période de l'existence où nous nous acheminons vers la mort, donc vers la transcendance, car, qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous est philosophe dès l'instant qu'il se pose la question « Mais qu'est-ce que la mort ?» Donc, au moment où l'homme aborde vers le milieu de la vie la grande crise de la maturation, un nouveau phénomène psychique apparaît en lui. C'est l'anima pour l'homme, l'animus pour la femme. Qu'est-ce que l'anima? Mais c'est cette partie féminine que nous portons en nous. Nous avions vu que le fœtus, dans les premiers mois de la vie in utero, est bisexué et que peu à peu, seulement dans une seconde partie de cette vie in utero, le sexe se précise. Eh bien, dans notre corps, nous conservons des traces du sexe opposé. Et c'est peut-être là qu'est psychiquement la naissance, la cause de la notion d'anima. Donc, cette part féminine que l'homme porte en lui, tandis que l'animus est la part masculine que la femme porte en elle. Et cet anima va expliquer toutes les grandes crises passionnelles qui nous poussent vers un être que nous souhaitons posséder pour nous l'intégrer, puisqu'il est une part de nous-mêmes. Mais lorsque nous, les hommes, nous projetons sur une femme notre anima, il n'est pas du tout certain que cette femme va correspondre exactement à la projection, à l'anima. D'où la notion encore capitale de la projection qui nous fait donner à un être ou attendre de lui ou souhaiter en lui ce qu'en réalité nous attendons de lui et qui est en nous et non pas en lui. D'où les drames que nous connaissons également lorsque la personne que nous aimons ne se révèle pas du tout être celle que nous croyons. Nous avions vu également, au-delà alors de ces notions d'anima, d'animus, la maturation. Eh bien, la maturation, nous savons que c'est l'homme qui parvient à la totalité de lui-même dans une crise souvent très difficile qu'il traverse au milieu de sa vie. Et parvenir à la maturation, parvenir au soi, c'est englober dans la totalité de son psychisme la vie inconsciente et aussi la vie consciente, qui n'est qu'une part infime de la vie inconsciente, cette vie consciente dénommée en psychologie jungienne le moi, partie infime mais intégrante du soi, totalité de l'homme. Aujourd'hui donc, l'inconscient, le rêve. De tout temps, on a cherché à interpréter les rêves. Et de tout temps, le rêve a eu une puissance symbolique considérable. Regardez la Bible. Reprenez dans notre théâtre classique l'importance également du rêve prémonitoire. Et puis, de tout temps, sur les foires, dans les fêtes foraines, on a vendu des guides, des interprétations du rêve. Mais pour nous, le problème n'est pas là. Pour nous, le problème est depuis la découverte par Freud. Découverte est un mot injuste. Depuis l'affirmation et la démonstration par Freud de l'importance de la vie et de la symbolique du rêve. Le problème pour nous est, depuis Freud, de voir comment cette conception et cette notion du rêve en tant que manifestation d'une vie de l'inconscient a peu à peu évolué. Il est bon, tout d'abord, de rappeler rapidement la conception freudienne. Il y a une phrase de Freud qui a été très souvent citée, mais qui est certainement capitale, c'est « L'interprétation des rêves est en vérité la voie royale pour parvenir à la connaissance de l'âme ». Nous ne reviendrons pas sur les conceptions freudiennes de la vie de l'inconscient qui sont limitées au problème de la sexualité. Cela n'est pas nécessaire, nous l'avons très longuement fait lors de nos émissions précédentes. Mais il faut tout de même dire que la sexualité toute puissante dans la conception freudienne, refoulée dans l'inconscient, cherche alors à se frayer un passage dans le rêve. Et c'est en quelque sorte un phénomène qui forme une toile de fond, la toile de fond même du rêve. Et ce qui est manifeste, c'est le récit onirique. Le récit onirique va constituer ce que Freud appelle la façade du rêve. Le rêve, tel que le voit Freud, est une manifestation très importante qui transforme les désirs en images. Et le rêve va condenser la pensée de l'objet désiré et son déroulement interne en un symbole ou en une action symbolique, que ce soit un oiseau, un moulin, un serpent, une maison, une petite boîte ou un sabre. Je cite là un texte de Ernest Epley, qui fut un élève de Carl Gustav Jung. Par conséquent, toujours chez Freud, ce problème du rêve à travers la limitation de la sexualité. Mais avant de citer une définition de Carl Gustav Jung en ce qui concerne le rêve, je vous propose d'écouter un enregistrement que j'ai recueilli à Zurich auprès de Yolande Jacobi sur la différence de conception entre Freud et Jung. Freud prenait tout littéralement. Si dans un rêve, on rêvait du père, ou on rêvait je ne sais pas, de mademoiselle X, c'était elle. Tout ce qu'on rêvait était dans le plan réel. Chez Jung, le même rêve peut représenter une pièce, un drame, qui se joue au-dedans de la psyché. Les différents personnages et les différents objets peuvent être des symboles pour les traits psychiques cachés. Voici ce que Carl Gustav Jung écrit dans « L'homme à la découverte de son âme ». Le rêve est une porte étroite, dissimulée dans ce que l'âme a de plus obscur et de plus intime. Elle s'ouvre sur cette nuit originelle cosmique qui préformait l'âme bien avant l'existence de la conscience du « moi » et qui la perpétuera bien au-delà de ce qu'une conscience individuelle aura jamais atteint. Car toute conscience du « moi » est éparse. Elle distingue des faits isolés en procédant par séparation, extraction et différenciation. Seul est perçu ce qui peut entrer en rapport avec le « moi », avec notre partie consciente. La conscience du « moi », quand bien même elle effleure les nébuleuses les plus lointaines, n'est faite que d'enclaves bien délimitées. Toute conscience spécifie. Par le rêve, en revanche, nous pénétrons dans l'être humain plus profond, plus général, plus vrai, plus durable, qui plonge encore dans la pénombre de la nuit originelle où il était un tout, et où le tout était en lui, au sein de la nature indifférenciée et impersonnalisée. C'est de ces profondeurs, où l'univers est encore unifié, que jaillit le rêve. Revêtirait-il même les apparences les plus puériles, les plus grotesques, les plus immorales? Mais qu'en est-il du rêve? Y a-t-il des êtres qui sont privilégiés, auxquels le rêve est accordé, et qui par conséquent peuvent atteindre à l'ineffable par le rêve? Ou bien, est-ce que tout le monde rêve? Est-ce qu'il y a seulement des êtres qui ne se souviennent pas de leurs rêves? Il y a un an environ, France Culture avait enregistré à Lyon, dans le laboratoire du professeur Jouvet, une émission médicale consacrée aux rêves. Je vous propose d'écouter un extrait de l'enregistrement effectué alors tout à fait en dehors de nos émissions sur Carl Gustav Jung. Et il y a, pour fixer les choses, un cycle de 90 minutes. Eh bien, supposons quelqu'un qui s'endorme à 10 heures du soir. Après 90, 100 minutes, 120 minutes, la première période dépend un petit peu de ce qui s'est passé avant de s'endormir, surviendra la première période de rêve qui va durer environ 15 minutes. Ouais. Et puis, exactement, ou à peu près 90 minutes après, c'est-à-dire une heure et demie après, surviendra une deuxième période de rêve dont la durée sera un peu plus longue, de l'ordre de 20 minutes. Puis, à nouveau, 90 minutes après, surviendra une troisième période de rêve qui durera 25 minutes et... probablement après, pour quelqu'un qui dort 8 heures, surviendra 90 minutes après la dernière période de rêve, qui, elle, va la plupart du temps être la plus longue, puisqu'elle va pouvoir durer jusqu'à 40 minutes. Et comme à ce moment-là, le sommeil est le plus profond, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile de réveiller un rêveur qu'un dormeur, oui, voilà. Vous voyez que si les gens ont mis leur réveil matin au moment de leur dernière période de rêve, parfois, bien souvent, ils ne peuvent pas l'entendre. Ou alors, quelque chose, ils vont l'incorporer, selon des processus qui, bien entendu, nous échappent, ils vont l'incorporer à leur scénerie onirique, et puis s'émerveiller qu'ils ont rêvé à quelque chose dans lequel intervient leur réveil matin. Mais ce sont là le problème du souvenir du rêve, qui est un problème infiniment plus complexe. En somme, quand des gens disent quelquefois qu'ils ne dorment jamais, on peut donc penser qu'ils se trompent. Et des gens qui vous disent qu'ils ne rêvent jamais également, ça n'est pas exact. Alors, biologiquement, tout le monde rêve. J'ai fait plus de 1000 enregistrements de sommeil chez l'homme dans mon laboratoire et mes amis américains en entier, je crois, en ont fait une trentaine de mille. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une banque de plus de 30 000 enregistrements de sommeil chez l'homme et aucun n'a trouvé chez des individus bien portants, il s'entend, de gens qui ne rêvent pas, tout au moins au point de vue enregistrement polygraphique. Et bien entendu, lorsque l'on réveille les gens, au moment où ils rêvent, ils se souviennent toujours rêver. Mais bien entendu, il y a beaucoup de gens qui ne disent qu'ils ne rêvent pas, tout simplement parce qu'ils se réveillent, parce qu'après leur dernière période de rêve, ils retombent dans une période de sommeil, entendent sonner leur réveil matin ou se réveillent spontanément, et à ce moment-là, ils ont perdu tout souvenir de leur rêve. Mais le rêve, en tant que phénomène biologique, existe obligatoirement chez tous les individus bien portants. J'ai oublié de vous dire, c'est 20% du temps du sommeil. C'est-à-dire qu'environ, on rêve pendant 100 à 110 minutes par nuit. Si le rêve est une porte ouverte sur la vie de l'inconscient, le rêve doit nous apporter des témoignages de cette vie, bien entendu, et des réminiscences, en quelque sorte, d'un certain passé. Déjà, Freud s'en était rendu compte, car Freud avait écrit dans « Introduction à la psychanalyse » « Le passé vers lequel nous ramène le travail du rêve est de deux sortes. C'est d'abord le passé individuel, l'enfance, et d'autre part, pour autant que chaque individu répète dans son enfance en abrégé tout le développement de l'humanité, c'est aussi le passé phylogénétique. Il ne me semble pas impossible de pouvoir distinguer la part qui relève du passé latent individuel de celle qui appartient au passé phylogénétique. Il me semble ainsi que nous avons le droit de considérer la faculté de saisir le rapport symbolique, faculté que l'individu n'a jamais pu apprendre comme un héritage phylogénétique. Nous allons, dans la seconde partie de notre émission, envisager la notion d'inconscient collectif. C'est une notion qui, avec les archétypes, comme je l'ai dit déjà dans les émissions antérieures, a été vivement critiquée dans l'œuvre jungienne. Mais il était bon ici, dès maintenant, de rappeler que Freud, déjà, avait ouvert cette porte, en quelque sorte, vers une conception de la manifestation du rêve qui dépasse le simple individu. En illustration de cette manifestation archétypique du rêve, voici un document que j'ai recueilli auprès du professeur Meyer à Zurich. Il s'agit du rêve d'un Pakistanais. Vous savez que le Pakistan, qui appartient à la péninsule indienne, est un pays d'origine musulmane, ce que d'ailleurs le docteur Meyer à Zurich appelle muslim, vous aurez parfaitement compris, et que le Pakistan, donc, pays musulman, les Pakistanais musulmans sont rattachés phylogénétiquement à tout un passé collectif archétypique de la péninsule indienne. J'avais un malade qui venait du Pakistan, un Pakistani, donc un musulman, et il était très gravement malade, il avait une névrose assez sévère, et après quelques temps, il commençait à produire des rêves que je ne comprenais uniquement du fait qu'il contenait des éléments hindous, de la mythologie ou religion hindoue. Lui, il n'en savait rien. Et après un certain temps, j'ai commencé à prendre ça au sérieux et je lui ai parlé de la mythologie hindoue et en même temps, le fait comprendre que les Pakistanais, après tout, n'étaient que des hindous qui, un certain temps dans l'histoire, étaient mohammedanisés. Et que, évidemment, pour lui, il s'agissait à reprendre le contact avec son background hindou. Sur cet avis, il s'est mis à étudier un peu son proto-histoire, disons. Et après un certain temps, il a complètement perdu ses symptômes. Il était en effet guéri, il est jusqu'à présent, tandis qu'il est resté musulman, sans doute, mais il comprend son propre background de façon qu'il est calmé. Nous étudierons dans l'émission suivante la notion d'archétype. Mais rappelons tout de suite que pour Carl Gustav Jung, l'archétype dérive de l'observation des mythes des contes, des principes religieux anciens, de toutes les figures qui constituent le fond de l'humanité. Ces archétypes, on les retrouve dans les rêves, sous une forme ou sous une autre. Et à Zurich, je demandais au docteur Malamud s'il y avait des figures archétypiques plus particulières que l'on retrouve dans les rêves des jeunes actuellement. Cette question était intéressée. En effet, on a reproché à Carl Gustav Jung d'avoir établi une psychologie de la seconde période de la vie, c'est-à-dire de la période qui nous amène vers la mort et par conséquent vers les grands problèmes métaphysiques. Or, en réalité, il s'avère que la psychologie jungienne répond également à un besoin psychologique de l'adolescent. Voici donc la réponse que le docteur Malamud a apporté à la question que je lui posais. Il y a un archétype qui est assez virulent, ou disons constellé, depuis quelques années, et sur lequel surtout Mademoiselle von Franz a parlé et écrit, c'est l'archétype du puer aeternus, qui est donc l'archétype du juvénile éternel, qui, d'après elle, est dans l'arrière-fond de ce qui se passe maintenant dans ce mouvement des jeunes. Ça, c'est certainement un archétype qui est en ce moment constellé. Et si on connaît l'arrière-fond mythique de cet archétype, on peut voir assez de ce qui se passe dans l'inconscient actuellement des jeunes gens. Et aussi des jeunes filles, parce qu'il y a aussi un pendant qui est la puella eterna. Et cet archétype correspond à quoi? Il correspond au type qui veut un perpétuel changement, n'est-ce pas? Derrière cet archétype est ce qui était dans l'Antiquité le jeune dieu qui mourait jeune, fils de la grande mère, qui mourait jeune et se renouvelait perpétuellement. Et ça, on peut dire, et derrière ce qui se passe actuellement, c'est l'être humain qui veut que les choses changent et qui est aussi en contradiction avec la figure du père, n'est-ce pas, qui représente l'autorité. Ce jeune Dieu est anti-autoritaire, on pourrait dire. Mais cette notion de l'enfant divin éternel, est-ce que cet archétype, est-ce qu'on le trouve déjà dans l'œuvre de Jung? Oui, on le retrouve. Il en parlait déjà dans les années 20, dans un de ses séminaires sur les rêves qui n'ont pas été publiés pour le public, seulement en privé. Puis, et il en a parlé aussi dans son livre qu'il a écrit ensemble avec Karl Kerini, L'essence de la mythologie, je crois, où il a écrit un essai sur l'enfant divin. Mais s'il est des archétypes qui sont propres à toute l'humanité, on peut supposer aussi qu'il est des situations historiques, géographiques, où apparaissent des archétypes plus particuliers. C'est une question que j'ai posée à Londres au docteur Bennett. It is a simple archetype that one often gets comes across in London is crossing a bridge. London's full of bridges. Il y a un archétype courant que l'on rencontre fréquemment à Londres. C'est le fait de traverser un pont. Londres est une ville pleine de ponts et de lignes de métro. On a donc constamment sous les yeux des représentations de l'inconscient. Passer d'une rive à l'autre ou traverser une frontière est un archétype courant. Tout le monde a fait cette expérience. Au début de La Flûte enchantée, le jeune prince Tamino est poursuivi par un serpent gigantesque. L'archétype du serpent, le serpent âme et libido, libido au sens freudien, énergétique psychique au sens jungien. Le serpent cosmique également, puisqu'il s'agit de l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue et qui symbolise un cycle d'évolution refermé sur lui-même. Et puis le serpent, l'ancêtre mythique, que l'on retrouve d'ailleurs dans toute l'iconographie grecque. Le serpent également, qui est le sage, qui est le médecin. Le serpent, qui est dans le caducée de Mercure. Le serpent, qui est le tentateur. Le serpent, qui est le danger dans le christianisme, qui est la perte de l'homme, d'où le procès du serpent. Donc, au début de la flûte enchantée, le jeune prince Tamino est poursuivi par un serpent, un très grand serpent, un très dangereux serpent, et il sera sauvé par trois fées. Rien n'est plus dangereux que la science-fiction et que l'ésotérisme. Et nous nous refusons absolument, au cours de ces émissions, qui sont avant tout des émissions sur le psychologue, sur le médecin, sur le psychiatre, sur le médecin des âmes, Carl Gustav Jung, d'envisager des domaines qui seraient par trop parapsychologiques. Mais nous allons faire appel à nouveau à un document enregistré l'année dernière dans le laboratoire du professeur Jouvet à Lyon. Il faut préciser que la manifestation physique du sommeil, ou tout au moins une des manifestations physiques du sommeil, est le mouvement des globes oculaires. C'est une constatation expérimentale que l'on a faite sur les patients qui ont bien voulu se prêter à ce travail. Et à partir de cette constatation sur les mouvements oculaires, d'autres constatations ont pu être faites que le professeur Jouvet nous rappelle ici. La chose très curieuse, c'est que un animal, comme le chaton ou le raton nouveau-né qui est aveugle, de même qu'un nourrisson qui est aveugle à la naissance, a des mouvements oculaires au cours de son rêve. Nous ne savons pas quel est le contenu subjectif qu'il en a, bien entendu, puisqu'il ne peut pas nous le donner. Il en a un, puisqu'il a un sourire. Un nourrisson sourit au cours du rêve, bien avant de sourire à l'image de sa mère. Donc, il y a un codage qui est transmis probablement génétiquement, qui déjà fait bouger les yeux selon un code que l'on va essayer de décrypter maintenant, peut-être, et qui précède l'entrée des informations visuelles dans le système nerveux central. C'est quelque chose là d'extraordinairement troublant et qui nous intéresse beaucoup. Et actuellement, nous pensons, et il y a des travaux en Belgique, en Amérique et chez l'homme qui ont été faits, qui montrent qu'en effet, des prématurés de un mois et demi, ont beaucoup plus de rêves que les nourrissons. Et il est possible, bien que cela n'ait pas encore été réalisé chez l'homme, que in utero, il existe en effet des périodes de rêve chez le fœtus. À ma connaissance, des enregistrements in utero de rêves ont été faits à Lyon, dans le laboratoire de ma femme, à la faculté des sciences, qui est certaine d'avoir pu enregistrer des fœtus qui rêvait in utero chez certaines espèces animales. Donc c'est un processus qui apparaît avant la naissance. Et si vous pensez qu'un fœtus in utero a des mouvements oculaires, oui, c'est bien vous montrer qu'il y a quelque chose là d'assez extraordinaire, et que s'il y a un codage qui s'effectue à ce moment-là, eh bien on n'est pas encore prêt de le comprendre, ce codage. Nous avions dit lors de notre première émission que nous donnerions la parole à des personnalités scientifiques ou autres qui ne sont pas d'accord avec certains aspects ou même tous les aspects de l'œuvre de Carl Gustav Jung. Nous avons demandé à François Le Lyonnais de nous donner sa conception du rêve. Je pense que, au cours de notre sommeil, ce moteur fonctionne. Il fonctionne de quelle manière ? Il fait passer des molécules dans le cerveau, à travers un influx nerveux, par exemple, à travers des phénomènes purement électriques. Bon, ces molécules, ce ne sont pas des pensées. Une molécule n'est pas une pensée. Elle peut être chargée d'une information, mais chargée d'une information exactement comme dans le dictionnaire. Il y a un mot qui veut dire quelque chose, mais ce mot ne pense pas. Les dictionnaires ne pensent pas, naturellement. Eh bien, tout un système physiologique ou psychophysiologique très compliqué fait circuler des molécules dans notre cerveau pendant la nuit, et d'ailleurs pendant le jour aussi. Bon, à certains moments, ces molécules s'accrochent. Je n'entrerai pas dans le détail, d'autant que je ne suis pas du tout sûr que l'on sache bien comment cela se passe. Elles s'accrochent, il en résulte comme un petit éclair qui est une pensée. Autrement dit, cette espèce de mouvement brownien qui se produit entre des molécules ou des courants électriques, je dis courant électrique entre guillemets, aucun neurophysiologiste ne me critiquera, ce sont des courants de déplacement de phénomènes électriques. Bon, ces courants de déplacement de phénomènes électriques, ce ne sont pas des pensées, et quand ils se rencontrent dans certains cas, et au hasard, je crois que c'est une rencontre du purement hasard, il peut en sortir une pensée, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'un rêve pour moi ? Ben, c'est un phénomène de conscience, produit par quelque chose qui n'est pas des pensées inconscientes, mais un moteur à fabriquer des phénomènes conscients. De sorte que de temps, et malgré tout, je crois qu'il y a une fonction importante au rêve. On l'a reconnu, c'est probablement pour fixer des souvenirs fugitifs, en écarter certains, en conserver d'autres pour en faire des souvenirs durables. Mais dans tout cela, je ne vois pas de pensée inconsciente. Pour moi, un rêve, c'est une pensée consciente qui apparaît de temps en temps. Voilà pour les rêves. C'est une banalité que de dire que la notion d'inconscient nous a été apportée par Freud. Dans La science des rêves, écrite en 1899, la première théorie de l'appareil psychique distingue trois qualités, le conscient, le préconscient et l'inconscient. Nous connaissons également les notions du « ça », le « surmoi », le « moi », toutes ces notions freudiennes sur lesquelles il est inutile ici de nous étendre. Mais avant d'aborder la notion d'inconscient chez Carl Gustav Jung, avec ces deux domaines bien particuliers, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, il faut nous efforcer quand même de différencier la notion générale d'inconscient freudienne et la notion d'inconscient jungienne. Le docteur Roland Cahen à Paris nous y aide. Jung a donc élargi le problème de l'inconscient de façon considérable en disant « l'inconscient, à la vue de notre expérience, dorénavant, échappe à tout monisme, à tout dogmatisme étroit. L'inconscient n'est pas seulement une chose, c'est un monde où peut figurer d'ailleurs tout ce qui a été conscient et qui est tombé à travers les mécanismes du refoulé de Freud dans l'inconscient, et aussi des tonnes de choses qui n'ont encore jamais été conscientes. Rétrospectivement, la chose est d'ailleurs assez fondée, si l'on s'arrête une seconde au fait que le cerveau du nourrisson qui vient au monde contient potentiellement toute la sagesse d'un Aristote ou d'un Saint-Augustin. Il faut donc qu'il y ait, dans un esprit en formation, des multitudes de potentialités qui s'éveilleront chez l'homme qui fera travailler son esprit et son mental et qui resteront malheureusement potentielles, atrophiées, chez une grande majorité de contemporains. C'est vous dire la place éminente que personnellement j'attribue à une civilisation des loisirs, si celle-ci est bien comprise, non pas pour une dissipation, mais pour un enrichissement et une maturation de la personnalité humaine qui a besoin de temps pour se pencher sur elle-même et pour travailler à elle-même soit avec un autre qui l'y aide, soit déjà tout seul. Oui, multitude de potentialités. Oui, l'homme pouvant disposer d'un temps suffisant pour s'étudier soi-même et pour se mûrir soi-même, certes, mais aussi un autre phénomène, le système d'autorégulation, et c'est ce que nous rappelle à Londres le docteur Adler. To Freud, this problem of neurosis had, of course, been absolutely crucial and central, and this is where he started his great discovery. Pour Freud, le problème de la névrose a été le problème fondamental, central. C'est de là que sont parties toutes ses recherches. Mais à la fin de sa vie, la névrose lui apparaissait comme quelque chose d'entièrement négatif, que l'on ne pouvait considérer que comme un trouble ou une maladie. Naturellement, c'est ce qu'est la névrose, effectivement. Mais il y a aussi en elle un autre aspect qui m'apparaît être plus important par rapport à la structure de l'esprit humain. Si la névrose est une maladie, c'est aussi la dernière tentative faite par l'inconscient pour donner une réponse à des questions restées sans réponse. C'est l'ultime ratio de la psyché, ce que Jung a appelé le système d'autorégulation. Il n'y a pas que la maladie dans la névrose. On y trouve aussi les futurs germes d'une nouvelle solution. C'est pourquoi nous avons vis-à-vis de l'inconscient une attitude totalement différente de celle de Freud. Pour Freud, l'inconscient était presque entièrement défini par ses caractéristiques négatives. C'était un peu la poubelle dans laquelle étaient jetés tous les désirs infantiles et les contenus morbides de la conscience. Pour Jung, c'est le seul niveau créateur de toute la structure psychologique de l'être humain. Vous voyez comme, ici, nous rattachons directement l'acquisition du soi tel que nous l'avions envisagé dans notre précédente émission, c'est-à-dire la totalité de l'homme, sans conscient et sans inconscient. Maintenant, comment définir la réalité de cet inconscient ? Parce qu'enfin, une des maladies de l'homme, c'est certainement la recherche d'une unité. L'homme a besoin d'une conviction, d'une certitude. Et cette certitude, il croit la trouver dans l'unité. Alors, y a-t-il une possibilité d'une théorie unitaire de l'inconscient ? C'est ce que j'ai demandé au docteur Roland Cahen à Paris. Le phénomène de l'inconscient est tel qu'il dépasse toutes les théories. Au fond, les théories à propos de l'inconscient sont secondaires comparées au fait que l'inconscient est et existe. Et quelles que soient les théories que l'on affectionne à son sujet, nous sommes d'accord sur un fait, l'inconscient est. Tous les efforts de théorétisation globale semblent voués à l'échec, car l'inconscient déborde toute théorie. La nostalgie de l'équation unitaire, qui talonne tant les physiciens, talonne presque autant les psychologues. Peut-être les physiciens peuvent-ils répondre à cette tentation de l'esprit pour ce qui est du domaine de la psychologie. Je crois qu'il faut bien voir que la nostalgie de l'équation unitaire de l'esprit humain restera sans doute, peut-être éternellement, un rêve de l'humanité. Car l'esprit ne peut pas monter au-dessus de sa propre tête et se codifier. Le temps est maintenant venu de nous efforcer de saisir, de comprendre ce qu'est l'inconscient dans la psychologie jungienne. Dans les Kindertraumseminars de 1938-1939, dont les comptes rendus d'ailleurs ne sont pas parus en français, Carl Gustav Jung dit « l'inconscient a précédé le conscient ». il constitue le donné primordial d'où ne cesse de surgir le conscient. Ainsi donc, dans le temps, nous nous rendons compte que le conscient ne s'édifie que secondairement sur l'activité psychique proprement dite, qui est un fonctionnement de l'inconscient. Pour Carl Gustav Jung, il y a donc un moteur premier essentiel qui est l'inconscient. Avoir la pensée que nos attitudes, que d'une façon générale la principale conduite de l'homme est une conduite consciente, eh bien cette idée, cette conception est erronée. Car, là je cite encore Kindertraum Seminar, notre vie se déroule pour une grande part dans l'inconscient. Nous dormons ou nous somnolons. Il est incontestable que le conscient est dépendant de l'inconscient dans toutes les circonstances importantes de la vie. La meilleure preuve, c'est que les enfants commencent leur existence dans l'état d'inconscience. Et ce n'est que progressivement, très progressivement, que se développe le domaine du conscient. Nous voyons donc déjà l'importance pour Jung de cette notion d'inconscient. Le domaine conscient est donc entouré de contenus qui se trouvent dans l'inconscient. Notre conscient n'est donc en quelque sorte qu'une île qui flotte sur l'inconscient. Maintenant, les contenus de l'inconscient. De quoi sont-ils constitués? Eh bien, ces contenus ont été en partie refoulés. Notre conscient ne peut embrasser que très peu de choses à la fois, comme un ordinateur insuffisant. Mais ces contenus refoulés, ils sont susceptibles de regagner à tout instant le domaine du conscient. Enfin, il y a d'autres contenus qui, eux, ont été très franchement refoulés parce qu'ils sont désagréables pour telle ou telle raison, la honte qu'ils nous procurent, les interdits religieux que nous avons subis, les principes de morale de la société, etc. Voici donc une définition très globale, très générale de l'inconscient dans la conception jungienne. Mais cet inconscient peut non pas se diviser, mais être considéré avec deux grandes lignes de tendance. D'une part, un inconscient personnel et d'autre part, un inconscient collectif. Qu'est-ce que l'inconscient personnel? Je fais appel ici à la dialectique du moi et de l'inconscient. Dans l'inconscient, en quelque sorte, se trouve une couche, un plan que l'on peut dénommer l'inconscient personnel. Je cite actuellement Carl Gustav Jung. Les éléments psychologiques, les matériaux qui y figurent, doivent être considérés comme de nature personnelle, dans la mesure où ils ont le caractère d'acquisition de l'existence individuelle. Corollaire, ils ont ce trait que par nature, ils pourraient tout aussi bien être conscients. Nous identifions des matériaux comme relevant de l'inconscient personnel à ce que leur provenance, leur apparition ou leur efficacité procèdent d'un lien quelconque avec le passé personnel du sujet. Ils sont partie intégrante de la personnalité. Ils appartiennent de façon nécessaire à l'inventaire de ces éléments constitutifs. Cela est si vrai et si important que lorsque ces éléments viennent à manquer dans le conscient, mais cette défaillance, qui peut résulter des circonstances et des mécanismes les plus variés, entraîne une sensation d'infériorité. Et cette infériorité n'a pas le caractère psychologique d'une déficience organique ou d'une infirmité congénitale. Elle a bien plus le caractère d'une carence, d'un vide, d'un manque qui engendre un sentiment dit d'infériorité et un ressentiment d'ordre moral. Un sentiment d'infériorité que le sujet éprouve douloureusement sur le plan moral indique toujours que l'élément manquant est un facteur qui, au fond, et pour le sentiment du sujet, ne devrait pas faire défaut. En d'autres termes, qu'il pourrait et devrait être conscient si le sujet s'en donnait la peine. Le sentiment d'une infériorité morale ne provient pas d'un désaccord avec la loi morale commune qui, dans un certain sens, est arbitraire, mais il provient du conflit de l'individu avec lui-même, avec son soi, qui réclame impérieusement, pour des motifs d'équilibre de la psyché, que soient comblés les déficits et les lacunes obscurément perçues, inconsciemment conscients. Chaque fois que surgit un sentiment d'infériorité, non seulement celui-ci indique l'exigence dans le sujet d'assimiler un facteur jusque-là inconscient, mais il indique aussi la possibilité de cette assimilation. Nous voyons parfaitement à travers ce texte la zone dans laquelle se déplace cet inconscient personnel. Et le texte que nous venons de lire nous apporte un très grand optimisme, car enfin, ces sentiments d'infériorité que nous éprouvons en nous, mais il ne tient qu'à nous de laisser venir au niveau du conscient ce que nous avons refoulé, ce que nous n'avons pas admis, et nous rejoignons très vaguement là la notion d'ombre dont nous avions parlé, que nous avions retracé plus exactement au début de cette émission. Donc, l'inconscient personnel est un facteur bénéfique. Nous pouvons très bien assimiler, rendre conscient ce qui nous cause des sentiments d'infériorité. Maintenant, l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, nous allons prendre la texte de l'homme à la découverte de son âme. L'inconscient collectif, celui-ci n'est pas le produit d'expériences individuelles. Il nous est inné au même titre que le cerveau différencié avec lequel nous venons au monde. Cela revient simplement à affirmer que notre structure psychique, de même que notre anatomie cérébrale, porte les traces phylogénétiques de sa lente et constante édification qui s'est étendue sur des millions d'années. Nous naissons en quelque sorte dans un édifice immémorial que nous ressuscitons et qui repose sur des fondations millénaires. Nous avons parcouru toutes les étapes de l'échelle animale. Notre corps emporte de nombreuses survivances. L'embryon humain présente par exemple encore des branchies. Nous avons toute une série d'organes qui ne sont que des souvenirs ancestraux. Nous sommes dans notre plan d'organisation segmentés comme des vers dont nous possédons aussi le système nerveux sympathique. Ainsi, nous traînons en nous, dans la structure de notre corps et de notre système nerveux, toute notre histoire généalogique. Cela est vrai aussi pour notre âme, qui révèle également les traces de son passé et de son devenir ancestral. Théoriquement, nous pourrions reconstruire l'histoire de l'humanité en partant de notre complexion psychique, car tout ce qui exista une fois est encore présent et vivace en nous. Lorsque nous aborderons notre émission sur les archétypes, nous verrons que les figures qui apparaissent dans les rêves sont précisément des figures qui proviennent de ces substrats du psychisme premier de l'homme. Car Carl Gustav Jung vient de nous le dire, de même que notre corps est constitué des évolutions successives des races animales qui nous ont précédés, de même notre psychisme porte la trace certainement de la psyché humaine la plus ancestrale, la plus lointaine en nous. Voici donc la notion d'inconscient collectif. Mais cet inconscient collectif semble bien être en relation directe avec le monde. C'est ce que Carl Gustav Jung nous dit toujours dans la dialectique du moi et de l'inconscient. La marque indiscutable des images collectives semble être leur aspect cosmique, c'est-à-dire une manière de lien interne qui associe les images du rêve et les fantasmes à des faits cosmiques, tels que l'infini spatial ou temporel, une vitesse, un mouvement ou une expansion considérable, des rapports astrologiques, des analogies telluriques, lunaires ou solaires, des modifications essentielles dans les proportions du corps, etc. L'apparition de motifs mythologiques ou religieux au cours d'un rêve témoigne également de l'activité de l'inconscient collectif. Par l'inconscient collectif, donc, non seulement nous rejoignons à toutes les grandes figures de la mythologie et par conséquent à toute l'histoire de la psyché humaine, mais nous sommes également en relation avec le cosmos. Enfin, il s'agit dans cette relation de l'inconscient personnel et de l'inconscient collectif de parvenir à la totalité de soi-même. Et voici encore un texte de la dialectique du moi et de l'inconscient, le dernier que je vous citerai dans cette recherche de la définition de l'inconscient jungien. Plus on prend conscience de soi-même grâce à la connaissance que l'on en acquiert petit à petit et grâce aux rectifications de comportements qui en découlent, plus s'amincit et disparaît la couche de l'inconscient personnel, déposée tel un limon sur l'inconscient collectif. En suivant pas à pas cette évolution, se crée petit à petit un inconscient qui n'est plus emprisonné dans le monde mesquin, étroitement personnel et susceptible du moi conscient, mais qui participera de plus en plus au vaste monde des choses. Thank you. À l'université de Grenoble-Chambéry, j'ai rencontré le professeur Gilbert Durand, qui anime là-bas une section consacrée à la recherche sur l'imaginaire. Le professeur Gilbert Durand a écrit un livre qui s'intitule « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». Je lui ai demandé si, en tant qu'homme de science, il avait une conviction du fond anthropologique qui correspondrait par conséquent, dans une certaine mesure, à l'inconscient collectif. Ce que nous trouvons dans les cultures, ce qui nous permet de comprendre la culture boro ou la culture esquimo, ce qui nous permet de comprendre le symbolisme ou la religion des anciens aztèques ou des anciens égyptiens ou des bambara actuels, c'est que nous avons quelque chose de commun. Nous avons des contenus communs et c'est le grand mérite de Jung d'avoir regroupé ces contenus dans ce terme d'inconscient collectif. C'est la nature humaine. Mais une nature humaine qui n'est plus théorique, comme celle des droits de l'homme, n'est-ce pas, comme celle du XVIIIe siècle, comme celle de Kant, cet homme transparent, un peu translucide, n'est-ce pas, et sans consistance. Là, c'est une nature humaine qui est faite de la libido. Je parlais du génie de Freud, on peut ajouter le génie de Jung, c'est d'avoir vu que finalement, toutes les manifestations de l'activité humaine constituaient le travail, la fructification de ce capital fondamental qui est l'inconscient collectif. Le phénomène de la traduction paraît fondamental. Du fait que je puisse traduire un texte aztèque, n'est-ce pas, que je puisse traduire un texte sumérien, cela prouve que non seulement il y a des données linguistiques communes, mais qu'il y a des données compréhensives communes, c'est-à-dire qu'il y a un inconscient collectif qui constitue l'espèce humaine. Mais je tenais à voir un témoignage dû à l'expérience. Et c'est pourquoi je demandais à Paris, à André Virel, comment le psychothérapeute pouvait avoir une relation de l'inconscient collectif. Un psychothérapeute est un être qui reconnaît les mêmes valeurs fondamentales chez un maoïste, chez un catholique, chez un protestant, chez un libre penseur, chez quelqu'un qui n'a jamais trouvé ni de foi, ni de participation politique. Ce n'est pas que le psychothérapeute soit un caméléon, c'est que le psychothérapeute est quelqu'un qui, au-delà de toutes ces structures momentanées, historiques, est capable de découvrir les véritables valeurs humaines des différents sujets qui s'allongent sur son divan. Il ne peut plus personnellement prendre une option. Il ne peut plus prendre une option ni au point de vue du sacré, ni au point de vue de l'histoire. Et en ce sens, d'ailleurs, le psychothérapeute est quelqu'un, il faut bien le dire, qui accepte sur un certain plan d'être un aliéné, c'est-à-dire un aliéné de la totalité des possibilités de pensée actuelles. Mais cet inconscient collectif, donc, qui groupe les images de la mythologie, qui groupe les images des contes, qui groupe les mythes, qui groupe les symboles. Cet inconscient collectif, comment Carl Gustav Jung a-t-il pu en avoir l'idée? À ce sujet, le docteur Bennett à Londres, qui avait beaucoup fréquenté Carl Gustav Jung et longuement parlé avec lui, nous a apporté un témoignage très précieux. One of the things we often talked about was his association with Freud. And I was particularly interested in his description of the voyage to America. Parmi les choses dont nous parlions avec Carl Gustav Jung, il y avait son association avec Freud. Je m'intéressais particulièrement à leur voyage en Amérique. Ils sont allés là-bas en 1909. Et pendant le voyage, ils ont analysé mutuellement leurs rêves. Jung a fait un rêve très frappant pendant leur tournée en Amérique. Il l'a raconté à Freud. Je crois que cela vaut la peine que je vous le raconte. C'était un rêve tout à fait inhabituel. Et voici exactement les mots que Jung a employés pour m'en parler. Ce rêve fut le suivant. Jung parle. J'étais dans ma maison. C'était une vaste demeure compliquée qui ressemblait vaguement à la vieille maison de mon oncle bâtie sur les anciens remparts de Bâle. Je me trouvais au premier étage. Il y avait de très beaux meubles, un peu comme dans mon bureau actuel. La pièce datait du XVIIIe siècle et son mobilier était splendide. Je découvris un escalier et je me dis que je devrais descendre voir ce qu'il y avait en bas. Je descendis donc au rez-de-chaussée. Là, la construction et l'aménagement semblaient être du XVIe siècle, sinon antérieur. La pièce était assez sombre, les meubles anciens et massifs. Je me dis, c'est très joli ici. J'ignorais l'existence de tout cela. Peut-être y a-t-il une cave en dessous? Et effectivement, il y avait une cave. C'était une construction très ancienne, datant peut-être de l'époque romaine. Je descendis un escalier poussiéreux et usé. Le plâtre des murs s'écaillait et laissait apparaître des briques romaines. Le sol était dallé. Un étrange sentiment m'envahit pendant que je descendais ma lanterne à la main. Je pensais que cette fois j'étais arrivé en bas. Puis, dans un coin, je vis une pierre carrée dans laquelle était scellé un anneau. Je la soulevai et découvris qu'il existait une autre cave plus bas. Elle semblait très sombre, comme une grotte ou un caveau. Lorsque je soulevai la pierre, un peu de lumière filtra. La cave était pleine de débris de vases préhistoriques, d'ossements et de crânes. J'étais stupéfait. Quand la poussière fut retombée, j'eus l'impression d'avoir fait une découverte importante. Puis le rêve prit fin et je m'éveillai. Jung fut assez bouleversé par ce rêve et il le raconta à Freud. Freud mit l'accent sur les ossements et les crânes et demanda à Jung « Y a-t-il quelqu'un que vous souhaiteriez voir mort ?»« Pas du tout, dit Jung. Personne. Pourquoi me demandez-vous cela ?»« Eh bien, dit Freud, à cause des ossements et des crânes. » »« Mais, répondit Jung, il y avait dans ce rêve bien d'autres choses. » Quoi qu'il en soit, la conversation tourna un peu court et ils abandonnèrent ce sujet. Mais Jung analysa ce rêve très soigneusement. Pendant longtemps, pendant plusieurs années en fait, il y revint. Et il lui apparut soudain que ce rêve reproduisait les différentes étapes culturelles, les stratifications successives de la civilisation. Il se demanda soudainement s'il était possible que l'esprit humain ait la même structure que la civilisation, que tous deux se construisent par étapes successives. C'est à ce moment précis que lui vint l'idée d'un inconscient collectif. Et c'est là, dans ce rêve, que se situe l'origine de ce concept. Jung m'a dit lui-même qu'il considérait cela comme la chose la plus importante qui lui soit arrivée. Une manifestation de l'inconscient collectif, une figure archétypique que nous allons peut-être retrouver dans notre prochaine émission consacrée aux archétypes, c'est le commandeur dans le Don Juan de Mozart. Ce représentant souverain de l'ordre, de la vertu, ce père cosmique, ce principe transcendantal qui vient juger l'humain. Le commandeur, donc, dans le Don Juan de Mozart. Thank you. Quel était le rêve de Carl Gustav Jung qui était à l'origine de sa conception de l'inconscient collectif? Mais dès notre première émission, nous avions attiré l'attention de nos auditeurs sur l'aspect empirique de Carl Gustav Jung, sur cette conception de l'inconscient collectif établie, non seulement de l'inconscient collectif, mais de toutes ces conceptions, établies au jour le jour, au fur et à mesure qu'il progressait dans l'étude de ces malades, qu'il progressait également dans ses connaissances de la mythologie, des contes, du patrimoine culturel de l'humanité. Un rêve capital dans un de ces malades est également à l'origine de la notion d'archétype et d'inconscient collectif. Et le docteur Roland Cahen, qui a traduit en France les œuvres de Carl Gustav Jung, nous rappelle cet épisode de la vie du docteur Zurichois. Les auditeurs intéressés pourront se rapporter à un travail où Jung a conté cette expérience de base et qui est publié dans Les problèmes de l'âme moderne chez Bûcher-Chastel. Jung raconte qu'il était alors médecin assistant du professeur Bleuler à Zurich et qu'était entré dans le service un noir qui délirait, et qui délirait sur le thème suivant. Un matin, en passant dans le couloir, le malade prend Jung par le bras et lui montre le soleil, en lui expliquant que du soleil descendait un espèce de grand manchon par où soufflait le vent sur la terre. C'était en 1912. Jung prit bonne note de cette verbalisation du malade et de l'image de son délire, et les choses en sont restées là. Or, 2-3 ans plus tard, Jung, qui était un grand érudit et qui suivait toutes les publications, eut la surprise de découvrir dans une publication de Doesen, qui à l'époque de sa constatation clinique n'existait pas, de découvrir dans des papyrus que Doesen publia pour le monde occidental 2 ou 3 ans après la constatation clinique un mythe égyptien où il était également question du soleil qui, à travers un grand manchon, engendrait le vent. Le souvenir de son malade lui revient associativement à l'esprit, car cet homme avait une mémoire prodigieuse. Et c'est de ce rapprochement entre ce noir délirant sur un thème de la mythologie égyptienne que Jung a tiré sa conception de l'inconscient collectif, puisqu'aussi bien il était impossible que ce noir à peu près illettré ait connaissance ou ait subi une transmission quelconque qui lui ait donné la connaissance de ce thème, de ce mythologème, et que d'autre part, Jung ignorant, ou les médecins à l'époque ignorant ce même thème, il n'était pas davantage question que le malade est déliré en fonction de Dieu sait quelle suggestion inconsciente qui aurait pu émaner des médecins. Vous voyez qu'il faut s'entourer de toutes les précautions. Les esprits critiques pourront nous dire, mais êtes-vous bien sûr que ce noir n'a jamais entendu parler de ce soleil cosmique? À supposer qu'il ait grandi dans une tribu où il y ait même une tradition orale sur ce thème, il n'en demeurerait pas moins, en toute bonne science, que le rapprochement entre une tradition orale du centre de l'Afrique et un thème de la mythologie égyptienne retrouvé à ce niveau et dans ces conditions serait plutôt une illustration de plus en faveur de l'inconscient collectif et de son existence qu'une affirmation. C'est grâce au fait que la publication de Doesen est paru 2-3 ans après la constatation clinique, que Jung a pu d'abord avoir l'étincelle géniale de cette notion de l'inconscient collectif, et qu'il a pu ensuite en affirmer la présence, en affirmer l'omniprésence, et c'est à décrire, à confirmer à travers tous les documents et tous les documents culturels à sa disposition, à confirmer à travers tous ces documents culturels que Jung a consacré la fin de sa vie, les 40 ans de travaux qu'il a pu consacrer à la science et qui ont consisté à étoffer, à élargir cette notion de l'inconscient collectif. Mais je prévois tout de suite votre objection. Lorsque les fantasmes, en tant que manifestation de l'inconscient, vont parvenir à moi, comment, d'une part, vais-je les comprendre? Vais-je les expliquer? Et d'autre part, comment vais-je les assimiler une fois que je saurai les contenus qui sont en eux? Carl Gustav Jung, à plusieurs reprises dans ses écrits, revient sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir en face de soi un médecin, un psychothérapeute. Et il faut bien constater que dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont éprouvé toujours le besoin d'avoir en face d'eux un autre qui les interprète eux-mêmes. Il y a eu dans l'Antiquité de quoi interpréter les sibylles, les devins. Nous avons dans la chrétienté le confesseur, dans le catholicisme le confesseur qui vous aide à comprendre et à faire évoluer votre âme, le salut de l'âme. Pour ma part, je pense qu'il est des questions de tempérament. Il est certainement des êtres qui, à partir d'une étude approfondie des mythes et des symboles, arriveront à les comprendre, à leur donner une explication. Et puis, il est d'autres êtres qui ont effectivement besoin d'avoir en face d'eux quelqu'un qui les explique à eux-mêmes. Je voudrais vous citer ici un texte de la dialectique du moi et de l'inconscient qui résume peut-être tout ce problème fondamental, car expliquer un mythe, eh bien, c'est faire, disons, peut-être de l'anthologie, purement et simplement. C'est faire de soi-même un dictionnaire vivant. Cela ne va pas plus loin. Ce qui est capital, c'est de vivre le fantasme, c'est de vivre le mythe, de comprendre la part qu'il joue dans votre vie et de jouer sa vie avec lui. Voici donc le texte de Carl Gustav Jung. Dans le cas de la rencontre fondamentale avec l'inconscient et de l'explication avec lui, il s'agit d'une autre dimension que celle de la seule interprétation. Il s'agit de déclencher le déroulement des processus inconscients qui émergeront alors sous forme de fantasmes dans le conscient. On peut s'essayer à l'interprétation de ces fantasmes. Dans de nombreux cas d'ailleurs, il peut être essentiel que le malade acquiert une notion, fût-elle plus ou moins vague ou plus ou moins intuitive, de la signification des fantasmes qui s'agitent en lui. Mais ce qui est d'une importance essentielle, c'est que le malade vive ses fantasmes de façon aussi totale que possible. Et par conséquent aussi, dans la mesure où une compréhension intellectuelle fait partie de la totalité du vécu, qu'il les comprenne. Mais ce n'est pas forcément la compréhension intellectuelle qu'il faut situer en haut de la hiérarchie des importances primordiales. Naturellement, le médecin, dans toute la mesure de ses moyens, aidera son malade à accéder à la compréhension de ses matériaux. Mais médecins et malades seront loin de tout pouvoir comprendre. Le médecin doit se garder de forcer son talent et ne point se lancer dans des acrobaties interprétatives, car l'essentiel n'est pas en premier lieu l'interprétation et la compréhension des fantasmes. Cela est important, certes, mais l'essentiel est d'en acquérir mentalement une expérience vivante. Notre prochaine émission sera consacrée à l'étude des notions de symboles et d'archétypes. C'était Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur, une émission de Bernard Latour. Ce soir, inconscient collectif, inconscient personnel, le rêve. Avec la participation de Yolande Jacobi, de Zurich, professeur Jouvet, Meyer, professeur de psychologie générale à l'École polytechnique fédérale,